طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين: الفرع الرابع، كل صفة من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أشياء. Donc le Cheikh Al-Uthaymeen dit la troisième des branches qui se rapporte aux règles concernant les sifa. Il dit que chaque sifa, chaque attribut parmi les attributs d'Allah se voit dirigé vers trois choses. Chaque attribut parmi les attributs d'Allah se voit dirigé vers trois choses ou trois questions. As-su'al al-awwal, hal hiya haqiqatan wa limadha? La première question, est-ce que ce sifa, est-ce que cet attribut d'Allah est une réalité et pourquoi? والسؤال الثاني هل يجوز تكييفها ولماذا؟ La deuxième question, est-ce qu'il est permis de comparer cet attribut à autre et pourquoi? والسؤال الثالث هل تماثل صفات المخلوقين ولماذا؟ Est-ce que cet attribut ressemble aux attributs des créatures et pourquoi? طيب. فالسؤال الأول من يجيب عنها؟ La première question, qui peut y répondre? Est-ce que les sifat d'Allah على الحقيقة أم لا؟ ولماذا؟ صحيح؟ نعم صفات الله على حقيقتها ولماذا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جميل. وإيش عندك يا أبا زكريا؟ لماذا صفات الله هي على حقيقتها؟ لماذا؟ En arabe, en fait, c'est. On laisse comme il est, en fait, comme c'est. Il a parlé d'un arabe clair, en fait. Il a parlé d'un arabe clair. Naam. وكذلك لأن الله هو الحق فلازم من ذلك أن تكون صفته على الحقيقة لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. نعم. قال الشيخ العثيمين جواب السؤال الأول نعم حقيقية نعم حقيقية لأن الأصل في الكلام الحقيقية فلا يعدل عنها إلا بدليل صحيح يمنع منها. دونك الشيخ العثيمين إذا بقى réponse qu'a évoqué أبو عبد الله comme quoi نعم ce sont bien des attributs qui sont à prendre d'une manière réelle, car la base dans la parole en arabe, c'est que elle indique la réalité. Donc on ne peut pas partir de cette base-là vers une autre chose sans aucune preuve. طيب. جواب الثاني لا يجوز لا يجوز تكييفها أو تكييفها لقوله تعالى ولا يحيطون به علما. Il n'est pas permis de comparer les attributs d'Allah et ceci en vue de la parole d'Allah où il dit wala yuhituna bihi ilma. Ils ne peuvent le cerner. Ils ne peuvent cerner sa science. Ils ne peuvent cerner sa science. والعلم صفة ها نعم نعم العلم صفة صفة ثابتة لله عز وجل. Donc la science c'est un sifa, c'est un attribut d'Allah عز وجل. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit ils ne peuvent pas cerner sa science, donc كذلك les autres attributs. نعم. قال ولأن العقل لا يمكنه إدراك كيفية صفات الله. Et aussi parce que la raison ne peut pas atteindre le comment ou comment sont les attributs d'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Toujours dans la deuxième réponse. Ouais, non. Comme quoi la raison ne peut atteindre de quoi est fait ou de comment sont les attributs d'Allah. Wa jawab al-thalith, et la troisième réponse, la tumathil sifat al-makhluqin li qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay. Et la troisième réponse, certes les attributs d'Allah ne sont en aucun cas comparables aux attributs des créatures. Et ceci en vue de la parole d'Allah qui dit qu'il n'est laissa kamithlihi shay. Il n'y a rien comparable à lui. طيب قال ولأن الله مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه فلا يمكن أن يماثل المخلوق لأنه ناقص. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait de tous les points de vue. Il est parfait de tous les points de vue. D'une perfection qui a atteint l'apogée. D'une perfection qui a atteint l'apogée. Donc il n'est pas permis, il n'est pas possible que un de ses attributs s'apparencie aux attributs de la créature. Taïb. Il n'est pas possible qu'un de ses attributs s'apparencie aux attributs de la créature, qui est naqas. Qui est naqas. La créature, elle est faible, elle est pas parfaite. Donc comment certains attributs d'Allah peuvent être comparables aux attributs de la créature. Taïb. Antum ma'i. Taïb. سؤال هل tous les attributs d'Allah يعني la créature n'en a aucun parmi les attributs d'Allah يعني est-ce qu'il y a une des attributs que on va trouver chez Allah Azza wa Jal qui sont également présents chez sa créature. Al-Yad. C'est pas pareil en fait. C'est pas parce que c'est pas parce que c'est attribué à la créature, ça veut dire que c'est pareil. Que celui-là des créatures, il a des interactions. Et son élève, c'est parfait. Non. Ahsan. Non. Enfin, il faut bien comprendre de cette parole-là, ça ne veut pas dire que on réfute l'association qu'il peut y avoir dans la base du sifa. La base du sifa, par exemple, le fait que tu dises qu'Allah il est présent. Wujudullah. Tu vois qu'Allah il est présent. Naam. La créature aussi elle est présente, oh là là. Donc là, il y a un ishtirak. Là, il y a une association sur la base du sifa, la base du sens. Et non pas dans la kayfiyya. Comme il a dit aussi, la main, même le serviteur, il peut avoir une main. Est-ce que cette main, elle est pareille que le créateur? Non. Qui c'est qui peut nous donner la différence entre at-takif ou at-tamthil? Takif, c'est pas le fait de demander comment, c'est pas l'anthropomorphisme. Ah, déjà là, faut que tu nous traduises ce mot-là. Mohamed. C'est à peu près ça. En fait, takyif, c'est le fait que tu compares les attributs d'Allah à une chose. Que cette chose-là, elle soit réelle ou qu'elle soit dans ton imagination. Ça n'existe pas. Par exemple, tu dis la main d'un tel est comme tu l'as décrit d'une sorte qui n'existe que dans ton esprit. Tamam? Ça s'appelle takif. Tamthil, c'est que tu la compares à quelque chose que tu vois, à une chose que tu vois. Tamam? Tumathiluhu bishay. Tandis que le takif, c'est aam, c'est-à-dire, il n'y a même pas de. Ça se peut que tu le compares à une chose qui n'est même pas présente dans la création. Tamam? Ala kulli hal, kilahuma muharram. Tayyib. Walladhi yukayyif sifat Allah. Ah, wa yumathil sifat Allah bi sifat al-makhluq. Ma hukm? Bid'ah. ما حكم الله أعلم ما حكم الذي يماثل صفات الله بصفات المخلوقات بصفات المخلوقات ما حكمه تكون son jugement celui qui compare les attributs d'Allah avec les attributs des créatures. أبو زكريا الذي بدعة ها الله أعلم سلام بدعة بدعة ها إلحاد طيب ولو لا أنا بدعة لا أنا بيان دابور إلحاد طيب ها Mais ça peut partir jusqu'au kufr. Donc là, on a quoi là? C'est quoi que tu choisis? Bid'a, ilhad ou la kufr? Les trois. Les trois, hein? Les trois, mais le kufr, pas détaillé. Shirk asghar. Huwa atab al jawab. Fahiya bid'atun, wa ilhad, wa kufr. Yani, alladhi yumathil sifat al-bari bi sifat al-makhlouq, kufr. Eh bien, il dit, la main d'Allah, elle est comme la main du Najashi. Ou chez Mindalik. C'est un kufr. Il y a chaque année, c'est un kufr. Et ça, c'est pour le tamthil ou le takif ou les deux? Les deux. Les deux. Wa Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, « Wa la yuhituna bihi ilma, wa laysa ka mithlihi shay. » Ou le sami' al-basir. Tamam. Quand il y a les trois cités par exemple et qu'il y a le kufr dedans, on est obligé de citer qu'il y a la bida, vu que le kufr c'est plus grand que tout le monde. Toi tu cites que c'est une bida dans le sens où pour que les gens ils savent que certaines personnes, ils prennent cela en guise d'adoration. Ils prennent ça comme si c'est un madhab. Ouais. Mais Bilachak, le fait que tu dises que c'est du kouf, c'est le jugement qui est attendu. Parce que si tu dis bid'a, on a qu'un bid'a, la yukhrij min al-islam, ou bid'a, tukhrij min al-islam. Ou lama tutlaq kalimat bid'a, anha, la tukhrij sahibuha min al-millah, inda l'itlaq. Lorsque tu emploies le kalima bid'a d'une manière globale, sans l'attacher à quoi que ce soit, la première des choses, c'est que tu vas te dire que ça ne fait pas sortir la personne de l'islam. Ça va? C'est pourquoi dans ce genre de questions, le mieux ou le jugement qui est attendu, c'est déjà de dire que c'est du kofr. C'est du kofr et c'est aussi une bid'a. Et c'est également de l'ilhad. L'ilhad, c'est un égarement. نعم قال والفرق بين التمثيل والتكييف أن التمثيل ذكر كيفية صفات أو كيفية الصفة مقيدة بمماثل والتكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماثل. Donc là, il te dit la différence entre le tamthil ou le takif. Tu dis que le tamthil, c'est. Il commence par le takif, il te dit c'est le fait d'évoquer comment sont les sifats d'Allah, ou de faire une comparaison des sifats d'Allah, sans forcément c'est-à-dire sans forcément le lier à une chose. Tandis que le tamthil, c'est la comparaison des sifats d'Allah avec une chose que tu lis. Par exemple, tu dis la main d'Allah, elle est comme la main de Fulan, Iyadan Billah. Ça, c'est du tamthil. طيب قال مثال التمثيل أن يقول القائل يد الله كيد الإنسان. Un exemple de tamthil, c'est que la personne a dit يد الله, la main d'Allah, elle est comme la main de l'homme. ومثال التكييف أن يتخيل ليد الله كيفية معينة لا مثيل لها في أيدي المخلوقين فلا يجوز هذا التخييل. Donc c'est comme s'il s'imaginait, pour le takif, il s'imagine que la main d'Allah, elle est d'une forme qui n'a aucun égo parmi les formes de main qu'on va trouver dans ce monde. Lui, il s'imagine une forme de main. Ça, c'est ce qu'on appelle le takif. Vous avez tous compris c'est quoi le takif? طيب قال القاعدة الرابعة فيما نرد به على المعطلة. Donc ça, la dernière قاعدة, il dit c'est avec celle-là qu'on va réfuter. On va réfuter l'avis des mu'attila. Al mu'attila, manhum. Ça veut dire quoi mu'attila? Hein? Mu'attil, attala. Là. Hein? Voilà, c'est ceux qui réfutent les sifat. Par exemple, t'as qu'là où لله يد يقول لا ليس لله يد إنما هذه الرحمة هذه القوة وهذه نعم يحرفون عن كلمة. قال المعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أسماء الله أو صفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها ويقال لهم المؤولة. شوف المؤولة والقاعدة. Donc là, il explique sur Al-Uthaymeen que Al-Mu'attila, ce sont ceux qui réfutent une chose parmi les noms d'Allah ou parmi ses attributs. Et ils modifient les textes. Ils modifient les textes, les faisant passer de leur sens apparent à des interprétations erronées. والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص وخلاف طريقة السلف وليس عليه دليل صحيح وربما يكون في بعض الصفات وجه رابع أو أكثر. Donc il dit, et la règle générale avec laquelle on réfute Mu'attila, c'est qu'on leur dit, tout d'abord c'est ce que vous dites, votre parole, elle contredit le sens apparent du texte. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a bel et bien deux mains avec lesquelles il dépense comme il veut. Et ils vont venir, ils vont dire non, c'est pas deux mains, mais au contraire, c'est la miséricorde d'Allah ou c'est la quwwa. Et on va le voir dans, au fur et à mesure du livre, on va voir certaines de leurs paroles erronées ou de leurs interprétations. Taïeb, à la kulli hal, donc premièrement on leur dit que c'est une contradiction du sens apparent des textes. Ensuite on leur dit que c'est une contradiction du chemin des salaf, tariqatu salaf. فلهذا لابد على أي أحد يريد العلم النافع ويريد العمل به أن يكون على علم بطريقة السلف. فالدروس في المنهج مهم جدا أن تعرف كيف كانوا هؤلاء الأبرار الذين يسمون من يعني الذي سماهم العلماء القرون المفضلة القرون المفضلة. فلا بد على المسلم أن يطلع على شيء من طريقتهم حتى يهتدي بهم. ورؤوس هؤلاء الأئمة هم الصحابة. يعني donc là tu comprends que il est vraiment impératif à toute personne qui souhaite la science et qui souhaite la mettre en pratique de œuvrer et d'être en conformité avec le chemin des pieux prédécesseurs. قال وليس عليه دليل صحيح. Donc premièrement ça contredit les textes apparents du Coran et de la Sunna. Deuxièmement ça contredit le chemin des salaf. Et troisièmement ليس عليه دليل صحيح. Pareil, ça aussi ça a son importance. وهذه تجدها في جميع قضايا الدينية لا بد أن نرجع في كل ذلك إلى الدليل. لا تتبعوا الرجال فإن الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. نعم. Comme certains des prédécesseurs avaient l'habitude de dire, certes, la vérité n'est pas connue par rapport aux hommes. Mais ce sont les hommes qui sont connus par rapport à la vérité. Mais ma'ana, la personne, elle ne doit pas être guidée par une personne. Mais elle doit être guidée par la vérité, le dalil. Al-Kitab ou Sunnah. Ce qui est venu d'Allah Azza wa Jal dans son noble livre ou sur la langue de son messager. Yeah. Donc on a terminé avec ça, l'évocation de certaines règles qui vont énormément nous aider dans ce livre. Cheikh Al-Uthaymeen a commencé par évoquer ces quelques règles très importantes avant de rentrer dans le vif du sujet. Yeah. salam. Qui c'est qui pourrait nous évoquer toutes les qawaid qu'on a vues jusque-là? On en a vu combien là, des qawaid? 4. Et qui c'est qui peut me rappeler celles qu'on a vues dans les asma et dans les sifat? Toutes les qawaid qu'on a vues. Qui c'est qui peut les rappeler sardan? En rapide. Ismail. Aya. Sta'in billah. Fil asma, awalan. أو قبل الأسماء، قبل أن ندخل في الأسماء، تذكر القاعدة الأولى هي تشمل الأسماء والصفة. أيوة، إبقاء ظواهر النصوص على ظواهرها. Le fait de laisser le sens apparent des textes du Coran et de la Sunna. Du moment qu'on n'a pas de dalil, qu'ils les font passer du sens apparent à une interprétation quelconque. Tamam ? Ça, c'était la première règle. Ensuite, on est rentré dans les règles qui sont spécifiques au nom. Asma'ullah kulluha husna. Ay. Balighatun fil husni. Mada. Ghayata. Balighatun fil husni ghayata. طيب ثم ها من يساعده؟ أسماء الله غير محصورة، أسماء الله غير محصورة بعدد، فلا يأتيك واحد يقول لك أسماء الله يعني 99 فقط، هذا غلط. طيب بل أسماء الله أكثر من ذلك. لدليل، إيش الدليل أن أسماء الله أكثر من 99؟ هيا سريع. حديث من؟ حسن عبد الله بن مسعود. طيب سينا بوكاسون سليك يدخيس. À un moment donné, il dit, dans cette invocation, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Sammayta bihi nafsak, ou allamtahu ahadan min khalqik, ou anzaltahu fi kitabik, ou ista'tharta bihi fi l'ilmi l'ghaybi indak. Hada yadullu ala anna hunak asma lam na'rif. Lam na'rifa. Na'am. طيب القاعدة الآن ثلاث. قاعدة الرابعة الفروع. En vérité chaque فروع c'est une règle. القاعدة la dernière c'était celle qu'on a fait avec la noire suite فيما نرد على المعطلة. C'est la quatrième في الأسماء. Non. Eh, ma baghi ma, l'asma ma kammal. Que de chaque asma découle ici une sifat. N'am, min kulli ism, min asma illa, testafid minhu sifa. Taïb, on a vu que chaque nom, parmi les noms d'Allah, on peut prendre de ce nom un attribut. Et c'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Par exemple, Ar-Rahman, tu prends l'attribut de la rahma wasi'a. Le mot ar-Rahman, le tout miséricordieux, tu comprends de cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait miséricorde, d'une grande miséricorde. Tamam. Mais c'est pas le contraire. Tu peux pas prendre d'un attribut d'Allah un nom. Par exemple, parmi les attributs d'Allah, le fait qu'il descend. Tamam. Il va descendre ou il va venir. Le fait qu'il vienne. Ça, c'est un attribut. En fait, quand on dit les attributs, pour celui qui a du mal avec le mot les attributs, en fait, c'est les actions d'Allah Azzawajal. Tamam ? Les attributs, c'est les actions. Comment c'est pas que les actions ? Al-Yad. Eh, naam. Eh, ça. Al-Yad, وكذلك ماذا؟ الوجه. الوجه وغير ذلك. فهناك ما يفعله الرب وهي صفة فعلية، وما لا ينفك عنه كالعلم والقدرة وماذا والبصر. نعم أحسنت كما تقدم. يعني en plus ça allait venir سبحان الله sur les sifas, comme quoi هناك فعلية وهناك ذاتية. طيب المهم on a terminé là. Donc des noms parmi on peut prendre d'un nom des noms d'Allah Azza wa Jal, on peut prendre un attribut. طيب et pas le contraire. Ça veut dire si tu sais que par exemple Allah il va venir le jour du jugement dernier. Le fait qu'il vienne là, c'est un sifa ou là là? C'est un attribut d'Allah? Non. Non. طيب, est-ce que maintenant tu peux appeler Allah Azza wa Jal Al-Jai? Celui qui vient. Non, tu ne peux pas. Tamam. Pourquoi? Parce que Asma'ullah Tawqifiyya. C'était celle-là, hein, okay, avant qu'on parle de ça, normalement, c'est Asma'ullah Tawqifiyya. Non, c'est pas voilà. Voilà, c'est-à-dire que les noms d'Allah, ils s'arrêtent tous à un dalil. Personne ne peut affirmer un nom parmi les noms d'Allah sans dalil. Sans dalil, c'est-à-dire sans preuve du Coran et de la Sunna. Taïb. Naam. Baqiya shay. Et dans cette règle aussi, il n'y a pas que certains noms ont un impact sur. Aïwa, naam. Il y a le fait que lorsque tu crois au nom d'Allah Azza wa Jal, par exemple, tu crois au nom Ar-Rahman. Ça veut dire que tu te dois de croire que ce nom-là, il indique l'être d'Allah Azza wa Jal. Awalan. Ensuite, tu te dois de croire que quoi? C'est un attribut. Qu'il indique un attribut. La miséricorde. Tamam. Et tu te dois de croire aussi qu'il a un impact sur la création, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il fait miséricorde. Tamam. Ça, c'est pour les attributs qui ont un impact sur autre. Sinon, il y a des attributs qui n'ont pas d'impact. Comme Al-Aziz. Hein? Ou Al-Qudra. Naam. Ou Al-Azama. Toi, tu. Al-Azama, c'est la grandeur. Toi, tu affirmes la grandeur à Allah Azza wa Jal. Taïb. Et quand tu dis Al-Azim, tu affirmes que ce yani Al-Azim, tu indiques l'être d'Allah par ce nom-là. T'as-t-il? Tu indiques aussi le sifa. Tu affirmes, tu crois à l'attribut de la grandeur pour Allah Azza wa Jal. Tamam? Mais il n'y a pas d'impact. C'est pas comme Ar-Rahman ou comme Al-Latif. Non, il n'y a pas d'impact. Tamam? Taïm, on a terminé là avec les noms? نعم الصفات لقواعد في الصفات يا أبا زكريا طيب عفوا القواعد في الصفات الذي تذكر صفات فعلية صفات ذاتية جميل قبل هذه بس كم la première des قاعدة ouais تفضل مسلم كلها اي نعم كلها عليا les صفات الله عز وجل elles ont toutes atteint le plus haut degré de la perfection طيب و dans cette قاعده on a vu les صفات نعم قبل هذا avant qu'on voie Tsubutia, on a vu. Hein? Comme quoi, il y a des attributs qui sont. Tous les attributs qui comportent une déficience, ils sont à réfuter Allah Azzawajal. Ils sont à réfuter Allah Azzawajal. Taïb. Maintenant, il y a des attributs qui comprennent une perfection et en même temps une déficience. Un manque. Taïb. Ces attributs-là, là, on les réfute à Allah Azzawajal? Non. Pas totalement. Hein? Oh? On doit faire un tafsir. On doit faire un tafsir. On affirme le bon côté et on rejette le mauvais. Ahsan. On doit détailler. C'est-à-dire, on va affirmer la bonne partie de l'attribut et on réfute la mauvaise partie. Exemple. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on peut le qualifier de ruseur? Oui, mais avec la bonne ruse. Comme dans le verset, dans le hadith, dans le verset, il dit que c'est le meilleur des ruses. C'est dans le sens de la bonne ruse, quand il ruse contre celui qui ruse. Et la ruse en soi, c'est bien ou c'est pas bien? Là, c'est pas bien. La ruse en elle-même, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est mauvais? Non, c'est mauvais. En fait, tu peux pas. En fait, c'est ça que je veux te faire comprendre. C'est-à-dire que ça, c'est des sifats qu'on peut pas dire qu'ils sont mauvais d'une manière globale, absolue. Parce que sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, il va jamais se les attribuer. En fait, ils ont une partie de. C'est des sifats qui comportent une perfection et qui comportent aussi une déficience. Ils sont parfaits lorsque cette ruse-là, elle est faite avec quelqu'un qui mérite. Toi, tu ruses avec quelqu'un qui mérite, ça c'est une perfection. Comme pour le combat. Naam. L'art de la guerre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était doté d'une intelligence, surtout dans les tactiques de guerre. Il y a une chose étonnante. Et ça, c'est une bonne ruse. Tamam. Lorsque tu ruses avec quelqu'un qui mérite que tu ruses. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makine. Ils ont rusé, alors Allah a rusé. Et Allah est certes le meilleur de ceux qui rusent. T'as même? Donc ça, c'est un attribut que ni on l'affirme à Allah d'une manière absolue, et ni on le réfute. Mais au contraire, on dit, comme a dit Abu Zakaria, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il ruse avec ceux qui méritent la ruse. Ah, mais qu'on dise il ruse comme ça, non, ça c'est pas une perfection. Kedalek sifat al-khida', al-khida', comment tu traduis ça, Yamoussi? Tromper. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il trompe? Ah, Abdelkarim, là, Ahsan, naam. Il trompe celui qui mérite d'être trompé. Donc celui qui veut tromper, Allah, il le trompe. C'est quoi le dalil sur ça, qu'elle a trompé? Ah, monsieur. Peut-être que... Fi surat yukhadi'un Allah, wa huwa khadi'uhum. Celui-là, il est dans surat An-Nisa. Yukhadi'un Allah, wa huwa khadi'uhum. Taïb. Ensuite, on a vu quoi? Les sifas, ma'ala. Sifas. Souboutiya. Ou salbiya. Taïb. On a vu que les attributs d'Allah, ils se divisent en deux. Des attributs qui sont ce qu'on appelle thubutiya, c'est-à-dire c'est les attributs que lui-même a confirmé pour sa propre personne. Et les attributs salbiya, c'est tous les attributs que lui-même a réfutés envers sa propre personne. Taïb. Ya Uthman, al-maut. Sifa, min sifatillah. Al-maut. Eh. Al-maut, sifa min sifatillah. Il est quoi, Rodi? Al-maut. La mort. La mort. Al-maut, sifa min sifatillah. Hein? Là, on vient de dire quoi là? On a dit que les sifats d'Allah, ils se divisent en deux. Les sifats qu'ils ont, les sifats qui ont été confirmés, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a confirmé sur lui-même, et les sifats qu'il a réfutés. Donc ça, c'est un sifat salbiya. Tamam? Sifatun salbiya. C'est les sifats que Allah subhanahu wa ta'ala, il a réfutés sur sa propre personne. Tamam? Oui, ça revient au même. Mais en fait, je vais te faire comprendre pourquoi là, on a vu qu'on les appelle Sifa Salbiya. T'as compris? En fait, tu les fais rentrer dans les Sifa d'Allah Azzawajal sans les affirmer. Tu les réfutes parce qu'en fait, cette réfutation, elle sous-entend une confirmation de son contraire. Voilà. Par exemple, tu dis que l'attribut de la mort, c'est un attribut réfuté à Allah, salbiya, tamam, mais qui nous impose d'affirmer son contraire. Qui est le contraire de la mort, c'est la vie. Naam, le vivant. Naam. Mafro, t'as compris, Mohamed? Ça, c'est pour toute chose, pas que pour cette sifa. Hein, c'est pour toutes les sifas que Allah subhanahu wa ta'ala il a réfuté sur lui-même. Il a réfuté le nom. Tu vois? Un nom, si on demande, tu dis c'est un sifa salbiya. Sifa salbiya. T'as compris? C'est un sifa réfuté. Que le prophète sallam il a. Que Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est quoi la formation de nom? Le contraire du nom? Ouais, voilà. C'est. يعني القيوم القيوم يعني الذي mais ça c'est que pour ce que Allah il a réfuté dans le camp par exemple al-maut etc. c'est ce qu'Allah a réfuté dans le Coran ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réfuté. Toi tu peux pas venir inventer une sifat comme ça. Toi tu peux pas venir dire que voilà c'est cette sifat par exemple elle est salbiya si ce n'est que tu as un dalil. Si ce n'est que tu as un dalil. Tamam? Non. طيب. وكذلك القاعدة. La règle qu'on a pris au début, comme quoi tous les sifats d'Allah, ils sont aliyah, ils sont élevés, parfaits. C'est-à-dire que ça, déjà, aslan, si tu as un sifa, par exemple, n'importe quel attribut où il y a une diminution, où il y a une déficience, toi tu le réfutes par rapport à un dalil. Walillahi al-mathalu al-a'la. Et Allah appartient les attributs les plus parfaits. Donc ça contredit ce verset. C'est comme en français, quand ils ont dit yadullahi. مغلوله اي نعم يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان نعم يا اسمي سمعت ان الارمن يعني يسمى صفات صفات منفيه ان سلبيه يعني معنى عنده شيء ثم سلب منه صحيح صحيح هذه اكتبوها فائده جميله وشيخ العثيمين ذكرها أو تراجع عن ذلك في شرحه ونسيت أن ننبهكم على ذلك صحيح هذه تكتبوها le fait de dire salbiya certains savants ils ont critiqué cette appellation parce que salbiya en arabe ça voudrait dire c'est le, en, dans une traduction approximative, c'est... Négatif. Non, c'est retiré. Salb. Salab tumin. Je lui ai pris. C'est les sifat qui ont été retirés. Or, ils n'ont jamais été présents en ce qui concerne Allah Azza wa Jal. Tamam. Donc en fait, la meilleure appellation, ce serait de dire sifatun manfiyya. Naam. جزاك الله خيرا يا اسماعيل. هذه فائدة منفية، منفية صفة منفية. منفية سي ريفوتي، ريفوتاسيون سي لي صفات ريفوتي. لا سلبية en fait يعني سي بلوس ريتيري. اوكي. Et l'autre, c'est réfuté. Voilà. Taïb, Naktafi. Non, mais aussi, on avait vu aussi que les sifa, minha ma hiya dhatiya, wa minha ma hiya fi'liya. Comme l'a évoqué tout à l'heure Abou Zakaria, la main, kadalika, al-basar. Et est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des doigts? Muslim? Naam. Alladhi yaqul naam, fi hadha ad-dars, fi al-asma. الصفاء عليه أن يأتي بالدليل، وإذا كان الدليل حديث عليه أن يذكر الصحابي والمصدر والحديث صحيح والحديث صحيح. تمام. الحديث ما لا لا جمع الحديث هو حديث سيكر صحابي يعني قلب الإنسان بين أصابع الرحمن. نعم نعم الحديث اللي بنيه دو بليزيور كومبانيون. نعم يعني ماذا بداية الحديث؟ القلوب بين أسبوعين من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. والحديث حسن. وجاء في مسلم من غير هذه الألفاظ. نعم. صحابي دو حديث لا نحتاج. En tout cas la version que j'ai donnée c'est un autre compagnon. Comment il s'appelle? سمعان ابن سمع. نسيت حتى ال. المهم ها نواس ابن سمعان. نواس ابن سمعان. نعم. هذا صحابي والحديث. المهم دونك الله سبحانه وتعالى il a bel et bien des doigts. طيب des phalanges. مسلم il y a aucun dalil qui parle de phalanges. ما عندك دليل لكن تسمع به؟ تجي انت دي صح؟ ها؟ الله أعلم. تقول الله أعلم أنت؟ أنت تقول الله أعلم؟ وأنت محمد كذلك؟ أيوه ceux qui ont été à Mecca avec moi ils n'ont pas le droit de dire Allah a'lam. لكن الله أعلم. ها كنت معي؟ قرأنا في ونحن معتكفين قرأنا حديثا عظيما جدا. On avait lu un hadith pendant qu'on était en i'tikaf في مسجد الله الحرام avec les frères. Et c'est un hadith محكم في المسألة. C'est le hadith, c'est le dalil comme quoi يثبت لله الأنامل les phalanges. Non. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith où il parle qu'il a rencontré ou qu'il a vu son Seigneur. Tamam? Il a senti il a senti, ça c'est dans et le prophète Sassem, il l'a vu en rêve. Hein. Et quand on dit il l'a vu en rêve, c'est-à-dire il l'a pas vu, il a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala yani sous une apparence. Tout ce qu'il a vu, c'est une lumière. Comme c'est venu dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas et d'autres. Mais dans le hadith qu'on évoque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il évoque qu'il a entendu une voix et il évoque qu'il a senti une phalange parmi les phalanges de la main d'Allah azzawajal, toucher son dos. Tamam. Jusqu'à ce qu'il a senti la froideur. Donc ça, c'est un hadith. Le hadith, il est sahih. Nusbit dhalik lillahi azzawajal à partir de ce hadith. Tamam. Et si le temps nous le permet, demain, on lira dans ce hadith parce que c'est vraiment un hadith azim. C'est un hadith azim. Et qui fait monter la foi. C'était une petite muradja de ce qu'on a vu. Inch'Allah, demain, on va enfin rentrer dans le livre.